dimanche 14 octobre, Jésus prie pour lui-même. La prière sacerdotale est constituée de trois parties. D'abord, Jésus prie pour lui-même, dans Jean 17, les versets 1 à 5, puis pour ses disciples, dans Jean 17, 6 à 19, et enfin pour ceux qui croiront en lui par la suite, Jean 17, les versets 20 à 26. Lisez Jean 17, les versets 1 à 5. Quelle est l'essence de sa prière et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Jésus intercède d'abord pour lui-même. Dans les événements qui précèdent dans l'évangile de Jean, Jésus avait indiqué que son heure n'était pas encore venue. À présent, il sait que l'heure de son sacrifice est arrivée. Le moment de la conclusion dramatique de sa vie terrestre est venu et il a besoin de force pour achever sa mission. C'est un temps de prière. Jésus va glorifier son Père en faisant sa volonté, même si cela veut dire qu'il doit endurer la croix. Son acceptation de la croix n'a rien à voir avec du fatalisme. C'est en réalité la manière dont il exerce l'autorité que le Père lui a donnée. Il n'est pas mort en martyr, mais il a glorifié son Père en accomplissant la raison d'être de son incarnation, sa mort sacrificielle sur la croix pour les péchés du monde. Qu'est-ce que la vie éternelle d'après Jean 17 au verset 3? Que signifie connaître Dieu? Avant tout, Jésus nous dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu personnellement. Il ne s'agit pas de salut par les œuvres ou par la connaissance, mais d'une expérience. Connaître le Seigneur à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Cette connaissance est possible grâce à une relation personnelle avec le Père. Notre tendance humaine est de limiter la connaissance à des faits et des détails. Mais ici, Jésus vise à quelque chose de plus profond et de plus épanouissant, une relation personnelle avec Dieu. La première venue de Jésus servait également à guider l'humanité dans sa quête d'une connaissance plus profonde et salvatrice et d'une unité à laquelle cette connaissance devait mener. Quelle est la différence entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu personnellement? Quelles expériences avez-vous vécues qui vous ont aidé à mieux connaître Dieu?